Chapitre 3e, où Ned Bjork entre en scène. Ned Bjork avait écouté en silence toutes les explications que le comte d'Asangallo venait de lui donner. Le père de Bianca n'avait fait d'ailleurs que lui répéter, avec tous les mêmes détails complémentaires, le récit qu'il faisait la veille même au professeur Gendron. À la suite de sa visite à ce dernier, Paolo d'Asangallo, en rentrant chez lui, retrouvait sa fille plus nerveuse encore qu'à l'ordinaire. Elle lui avait dit être sortie en compagnie de Teresa dans la journée, mais ne donnait que de vagues indications assez évasives sur l'emploi de son temps. Une banale promenade, un peu de footing au bois, puis quelques courses dans les magasins. Il n'y avait pourtant point la matière à la rendre aussi troublée qu'elle l'était. Indifférente à ce qui se disait, se faisait autour d'elle, pour tomber bientôt dans une rêverie qui ressemblait fort à une sorte de prostration. Pareille intermittence de nervosité et d'abattement ne manqua pas d'alarmer davantage encore le comte d'Asangallo, qui ne devait pas plus hésiter à faire appel à la perspicacité du célèbre détective américain, qu'à consulter comme il l'avait fait le professeur Gendron au point de vue médical. N'était-ce pas, du reste, de concert avec le docteur lui-même qu'il avait décidé de faire cette démarche? Ned Bjork et son fidèle Romain Farrell, l'ami aussi bien que l'élève du détective, que celui-ci avait formé à son école, étaient tous deux bien connus du père de Bianca. Non point qu'il se fût jamais trouvé dans le cas d'avoir recours à leur service, mais la réputation presque mondiale de ces deux fins limiers était depuis longtemps déjà parvenue jusqu'à lui, et un coup d'œil jeté sur l'annuaire des téléphones avait suffi pour lui procurer leur adresse. Le jour même, il se rendait chez eux. La carte du comte, que le garçon de bureau venait de remettre au vieux détective, retint un instant son attention. « C'est bien, » fit-il en jouant avec le carré de Bristol. « Vous introduirez cette personne quand je sonnerai. » Le tambour de cuir de la porte s'étant refermé sur le garçon de bureau, Bjork lut, à haute voix, cette fois, « Comte Paolo Marini d'Asangallo », puis, levant les yeux sur Romain Farrell, séparé de lui par toute la largeur de la table, il demanda « Vous connaissez sans doute ?»« Ma foi, non, » répliqua le jeune policier qui paraissait chercher dans sa mémoire. « Décidément, mon cher, je vois que vous avez encore beaucoup à faire pour posséder votre tout Paris sur le bout des doigts. »« Mon tout Paris, » se prit à sourire Romain Farrell, « c'est beaucoup dire, car enfin, ce nom-là n'a rien de bien français, vous m'avouerez. »« Comme si vous ne saviez pas ce qu'on est convenu d'appeler l'élite de la société parisienne est justement formée, en grande partie du moins par des personnages cosmopolites ou des notabilités exotiques. Pour un peu, je vous dirais bien que vous n'êtes pas à la page. Mais passons. Vous saurez donc, pour votre gouverne, que le comte d'Asangallo est un grand seigneur italien, appartenant même à l'une des plus anciennes familles florentines, on le dit assez riche, bien que sa fortune soit loin d'être aussi considérable aujourd'hui que l'était celle de ses ancêtres, au temps des splendeurs de la Florence des Médicis. Tout jeune encore, il avait fait un mariage d'amour, mais la comtesse étant morte en donnant le jour à l'enfant né de leur union, le séjour de l'Italie lui devint excessivement pénible, et il décida de venir s'installer à Paris, qu'il n'a jamais plus quitté depuis lors. Il habite à Neuilly un hôtel particulier avec sa fille, une grande fille actuellement, pour qui il a la plus grande affection. J'ajouterai que les Asangallo, sur qui il n'y a rien à dire, sont reçus dans le meilleur des mondes. Vous êtes fixé maintenant, Romain ? « Tout à fait, mon cher maître. Alors je sonne pour qu'on introduise le comte, mais je me demande un peu ce qui peut bien nous l'amener ici. » Et sans plus attendre, Ned appuya du doigt sur un bouton de sonnerie électrique à portée de sa main sur la table bureau. Le tambour de la porte tourna sur ses gonds et l'employé annonça. « Monsieur le comte d'Asangallo. » Les présentations faites, le détective américain désigna de la main un fauteuil au père de Bianca et demanda « Qu'est-ce qui me vaut, monsieur le comte, l'honneur de votre visite ? Laissez-moi tout d'abord vous dire, mon cher monsieur Bjork, que c'est sur les conseils pressants du professeur Gendron que je viens vous trouver. » Le docteur Gendron, interrompit l'Américain en esquissant un sourire qui décelait une légère surprise. C'est bien la première fois qu'il a recours à mes lumières pour un de ses clients. Nous ne sommes pas du tout de la même partie, et tout ce qui touche la médecine. Aussi, n'est-ce point une consultation que je viens vous demander ? Se réclama le comte, qui à son tour n'avait pu s'empêcher de sourire. « C'est au détective si réputé que je m'adresse. »« Ah bon ? Je vois ce que c'est, » reprit Ned Bjork vivement. « Gendron est un spécialiste des troubles nerveux, des maladies mentales. si vous voulez m'entretenir sans doute de quelques cas de kleptomanie, qui serait celui d'un parent, un malheureux atteint sans doute de cette monomanie plus fréquente aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Détrompez-vous, monsieur Bjork. Il ne s'agit nullement d'un kleptomane à surveiller. Mais c'est bien en effet pour une personne de ma famille que je me suis permis de venir vous demander aide et conseils. Parlez, monsieur da Sangallo, répliqua le policier. Je vous écoute et demeurez assuré que si faire se peut, le concours de Farrell et le mien vous sont tout acquis. Le comte exposa donc les faits sans omettre le moindre détail qu'il jugeait de nature à éclairer ses deux interlocuteurs sur la situation telle qu'elle se présentait, et comme de juste, il lui avait fallu leur répéter tout ce dont il avait déjà fait part au professeur Gendron. L'extraordinaire légende qui se rattachait à la coupe historique et la prédiction suspendue comme une épée de Damoclès au-dessus de cette vieille famille italienne n'avait eu d'intérêt pour eux au même titre que les palpitantes péripéties d'un roman feuilleton. La nervosité de Bianca, par contre, et l'accroissement surtout de cette tendance à la morbidité durant ces derniers temps, avaient davantage retenu leur attention comme un signe non équivoque d'une influence quelconque et encore inconnue. On s'expliquait difficilement, d'une autre façon, cette aggravation insuffisamment attribuable à l'approche seule du jour où la jeune fille allait atteindre sa majorité. Ce besoin constant aussi qu'elle avait de consulter les cartes pour lire l'avenir, alors que jusque-là, jamais on ne lui avait vu un jeu de cartes entre les mains. Cette curiosité inassouvie de tous les instants confirmait encore Bjork dans son pressentiment d'une influence funeste, dont il était prêt à rendre responsable la vieille nourrice de Bianca da Sangallo, l'italienne, superstitieuse comme le sont toutes ses compatriotes. Il fit part de ses idées au comte qui s'écria aussitôt « Teresa !» Je m'en doute bien un peu, mais cette femme a une telle adoration pour ma fille, ne l'ayant jamais quittée d'un instant depuis sa naissance, qu'elle ne ferait rien qui pût lui causer un préjudice quelconque, soyez-en persuadée. Elle peut le faire inconsciemment, ayant elle-même une confiance aveugle dans la vertu divinatoire des cartes. Paolo da Sangallo eut un mouvement d'impatience qui l'accentua encore en disant « Je vais intimer l'ordre à Teresa de faire disparaître ces maudites cartes. De s'abstenir aussi de toute allusion à des révélations quelconques de l'avenir, et ce sous peine d'un renvoi immédiat. N'en faites rien !» objecta vivement le détective. « Vous n'aboutiriez qu'à ce que ces pratiques divinatoires se fassent en secret, à éveiller en outre une méfiance qu'il faut à tout prix éviter. »« Méfiance ?» interrogea le comte, tout surpris. « Qu'entendez-vous par là, monsieur Bjork ?»« Je vais vous parler franchement, monsieur da Sangallo, » répondit le détective sans hésitation aucune. Plus j'y réfléchis, et plus je pressens des influences étrangères, dont le foyer n'est pas chez vous, mais bien au dehors. Vous parlez par énigme, monsieur Bjork, fit le comte, qui se montrait fort intrigué. Je ne puis me prononcer encore. Pourtant, il me semble que votre Teresa, avec ses réussites, n'a pu amener votre fille à ce point d'anxiété morbide, qui agit de façon si néfaste sur son état physique et moral. Les causes, à mon avis, sont hors de chez vous. De sorte qu'il faudrait empêcher Bianca de sortir, gardez-vous-en bien. Nous ne pourrions rien découvrir qui nous intéresse. Mais sur qui se portent vos soupçons? Je n'en sais rien encore. Mais il est de toute nécessité que ni votre fille, ni Teresa puissent se douter qu'elles sont l'objet d'une surveillance quelconque. L'italienne, je présume, accompagne le plus souvent Mademoiselle Bianca dans ses sorties, oui, et principalement depuis que je me suis aperçu de son extrême nervosité. Et d'ailleurs, ces promenades ont lieu tous les jours vers la même heure environ dans l'après-midi. Tenez, vers cette heure-ci. Eh bien, vous n'avez qu'à continuer à les laisser sortir ensemble. Tranquillisez-vous, monsieur le comte, elles seront étroitement surveillées sans qu'il leur soit possible de s'en douter. Nous nous chargerons de cette filature, Farrell et moi. Ce qui veut dire que vous consentez tous deux à vous occuper de cette affaire, comme j'étais venu vous le demander. Elle est trop curieuse par plus d'un côté, pour que nous ne nous en désintéressions, n'est-ce pas, Romain ? Sans aucun doute, répondit le jeune policier. Il y a là, à mon avis, reprit Ned Bjork, une mystérieuse énigme, que nous arrivons bien certainement à tirer au clair et qui vous réserve des surprises. Je puis alors entièrement compter sur votre concours, messieurs ? Demanda encore Paolo da Sangallo, qui tendait les mains aux deux amis. Vous avez la très grande chance, mon cher comte, fit le détective, en le reconduisant à pas lents, de nous trouver inoccupés pour l'instant. Nous sommes libres de tout engagement et nous allons nous atteler à cette besogne. Dès demain, nous serons chez vous à Neuilly, après avoir réfléchi à cette affaire à tête reposée. » Eh bien, fit Björk, en s'adressant à Farrell dès que le comte se fut éloigné, qu'en dites-vous, mon ami ? Je dis que l'affaire en question est bien bizarre. Elle vous intéresse ? Énormément. Et vous, mon cher maître ? Moi, je vois là tout un drame qui se joue dans l'ombre. Et où la vieille italienne tiendrait alors le rôle principal ? Je n'irai pas jusqu'à l'affirmer. Je dirais même plus. À mon avis, elle ne serait peut-être qu'un instrument servile aux mains de quelqu'un d'autre. Bon, je n'affirme rien encore. Vous concevez bien qu'il est impossible de conclure quoi que ce soit sur la donnée actuelle du problème. Le comte d'Assangalio a été prodigue de détails dans les renseignements qu'il nous a fournis. Néanmoins, il nous reste encore bien des choses à apprendre. Pourtant, d'ores et déjà, mon opinion est qu'en prenant Mademoiselle Bianca d'Assangalio et Teresa en filature, quand elles sortent ensemble, nous devons inévitablement être mis sur la bonne piste. C'est très possible. Et je compte bien sur vous, Romain, pour me seconder dans cette tâche, car il se pourrait fort bien qu'une fois dehors, les deux femmes se séparent pour se retrouver ensuite avant de rentrer à Neuilly. Il nous faudrait donc alors nous partager la besogne. Je me chargerai en ce cas de filer Bianca, tandis que vous vous attacheriez au pas de Teresa. Et quoi qu'il arrive, nous nous retrouverions toujours ici à notre GQG, si j'ose m'exprimer ainsi, car c'est bien le grand quartier général où nous concertons tous nos mouvements contre l'ennemi. N'est-il pas vrai ? Et sans attendre la réponse de son jeune ami, il ajouta : Demain, nous irons à Neuilly interviewer le comte d'Assangalio.